Je vous souhaite un très bel après-midi. Tout de suite, c'est Histoire vivante. Il y sera question d'images et de justice. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, justice et écran. Tous nos témoins sont soumis à une forte tension. De Nuremberg à plus tard. Ce tribunal fonctionne selon des règles. Le droit et l'image. La plupart des personnes connaissent le droit à travers les films qu'ils voient. Je vous conseille fermement de ne vous rendre dans aucun pays qui reconnaisse la juridiction de la Cour pénale internationale. Nous sommes maintenant citoyens égaux de l'État libre d'Israël. La résolution nous le garantit. Pratiquement tous les pays du monde reconnaissent sa juridiction. Pas les États-Unis. Les garanties sont une chose et les réalités une autre. Les dés sont truqués, les règles sont faussées. Il y a assez peu de films critiques de la justice pénale internationale si on compare avec la littérature. Vous m'envoyez désolé, mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de votre avocat. En fin de compte, il va se retirer ici avec la pension que la CIA lui verse. Et il vous enverra à vous et votre putain de tribunal de crimes de guerre vous faire foutre. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Je suis Olivier Corten et je donne cours de droit international ici à l'Université libre de Bruxelles. Et donc depuis quelques années, dans notre centre de recherche, on s'intéresse aux relations entre le droit international et le cinéma, ainsi d'ailleurs que d'autres formes de culture populaire. Le droit, vous auriez pu choisir peut-être une autre voie que celle de l'enseignement. Ça s'est dessiné très tôt dans votre existence. Vous avez longuement hésité. Le droit d'abord, et puis après on verra son application, si j'ose dire, à titre privé et professionnel. Oui, alors enfin, mon parcours est plutôt inversé, si je puis dire, puisque moi j'ai d'abord fait des études de sciences politiques. Et donc c'est plutôt justement dans une optique... sociologique que j'ai abordé le droit, que j'ai étudié ensuite, et donc c'est peut-être aussi cette formation mixte entre sociologie politique et droit qui me fait m'intéresser à des sujets comme ceux-là, où il s'agit d'aborder les liens entre le droit et des objets qui a priori n'y sont pas spécialement proches, sauf si on envisage le cinéma sous l'angle technique du droit d'auteur ou des choses comme ça, mais c'est pas de ça dont il s'agit ici. Et puis, pragmatiquement parlant, puisque chaque professeur a quand même le besoin, la nécessité de remplir sa classe, de faire de l'audience, il est sûr qu'avec des thèmes pareils, il y a de fortes chances que les jeunes gens, les jeunes filles, se pressent. Est-ce le cas ? Alors oui, enfin en tout cas c'est vrai que les étudiantes et les étudiants en général apprécient l'utilisation de médias comme ceux-là, apprécient que dans le cadre des cours on puisse utiliser des extraits de séries télévisées qu'ils regardent souvent ou de films parfois plus classiques, et donc ça donne une bonne effectivement accroche pour aborder la matière. En même temps parfois ça peut faire peur parce que c'est difficile d'analyser un film sous un angle peut-être un petit peu inédit comme celui-là. Donc ça les intéresse. En même temps, ils sont un petit peu anxieux au bout du compte de savoir s'ils vont pouvoir eux-mêmes faire le lien et croiser un petit peu les disciplines. Et cette pratique-là, cette implication-là, vous l'exercez depuis plusieurs années ? Oui, donc c'est à peu près depuis 2012-2013 qu'on a commencé ici à l'université à utiliser ce type de technique. Je dirais soit dans une perspective assez classique. Il faut savoir, en droit, souvent, les professeurs vont utiliser la technique des cas pratiques. Donc, plutôt que d'exposer une règle et de lire un code dans l'abstrait, où ils vont prendre un cas, soit un cas réel, soit un cas fictif, en disant, eh bien, si l'état A fait ceci, est-ce que l'état B peut répondre en faisant cela ? Donc, on fait des petits cas un petit peu fictifs. Alors le cinéma, de ce point de vue-là, ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus fictif, mais peut-être paradoxalement de plus concret, parce qu'on voit la situation. Donc on a une situation sous les yeux, et on peut ainsi l'analyser sous l'angle juridique. Et ça, cette possibilité-là, effectivement, elle ne nécessite pas une analyse cinématographique très élaborée, c'est juste une manière de remplacer quelque chose de finalement très très ancien en droit qui est le cas pratique, mais avec quelque chose peut-être de plus concret paradoxalement. Et puis pragmatiquement, c'est comment faire face à cette fameuse érosion de la concentration que beaucoup d'esprits chagrins regrettent auprès du jeune public, et notamment des étudiants. Eux aussi n'y échappent pas. Il est vrai que le cinéma, la série... Mais justement, puisque c'est quelque chose que vous avez travaillé depuis déjà 5-6 ans, Olivier Carten, diriez-vous que je pense notamment aux séries, sachant que c'est un genre nouveau et que le public lui-même évolue avec la complexification croissante des récits, des séries. Voyez-vous en l'espace de 5 ans déjà un public qui a évolué, j'entends le public de vos étudiants qui, sous votre conduite, suit la précision ou l'imprécision proposée par les séries télé? Alors, ce qui apparaît dans les cours, c'est que beaucoup d'étudiants regardent des séries télévisées et qu'effectivement, par rapport au cinéma classique, il y a sans doute un déplacement. C'est difficile à mesurer, mais il est clair que quand on passe des extraits de séries récentes comme Homeland ou comme House of Cards, ou on voit bien que les étudiants connaissent déjà la série et on a des retours, ou les Simpsons, par exemple. Donc on voit qu'effectivement ça leur parle, qu'ils ont une culture de séries télévisées peut-être plus aboutie que si on passe des extraits de films d'Hitchcock ou d'autres classiques qui existent aussi, alors qu'ils voient comme plus exotique, et c'est pas que ça suscite pas leur intérêt, mais effectivement par rapport aux séries, ils ont quand même une compréhension peut-être plus générale, plus contextualisée, puisque le problème de la technique de l'extrait, c'est que on ne passe qu'un extrait, et donc on a beau en quelques minutes expliquer un petit peu le contexte, c'est quand même pas la même chose. Donc effectivement, de ce point de vue-là, les séries peuvent avoir un avantage que des films n'ont pas. Êtes-vous désorienté? Avez-vous peur? Vous êtes bouche bée, sous le choc, perplexe, vous demandant si c'était réellement ça votre vœu. Cette démocratie, votre démocratie, elle m'a élu, moi. Soyez les bienvenus aux funérailles de l'âge de raison. Il n'y a ni bien ni mal. Non, plus maintenant. Poursuivons peut-être, Olivier Carten, sur le principe de la série. Le fait même que la série offre plus de marge de manœuvre en termes de durée, tout simplement, est-ce que du coup, la complexité, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans le cadre de l'entretien, qui est parfois ou souvent difficilement posé à cause de la durée de 90 minutes ou de 2 heures, a plus de place précisément dans la série à cause de la dilatation du temps. Certainement. Donc, mais moi, je pense par exemple à une série déjà ancienne, mais qui est restée assez classique, comme À la Maison Blanche, qui est une série qui suit West Wing. Là, effectivement, on voit très bien que quand on a une thématique juridique, et il y en a quand même une série de thématiques au fil des épisodes, on doit regarder plusieurs épisodes pour voir un petit peu les conséquences, et donc on n'a pas, comme parfois on peut avoir dans un film, un petit extrait de 1 minute et puis finalement ça ne prend pas beaucoup de place dans le film. Ici, quand on a une série, la complexité, le fait qu'il y ait un grand nombre d'épisodes et même d'ailleurs de saisons, fait que on peut avoir une vision plus large et donc avoir une analyse quand même un peu plus aboutie. C'est souvent plus pointu, c'est vrai. Bon, alors il y a des exceptions, il y a des films qui sont plus juridiques et qui sont, je pense par exemple à un film sur les drones sorti récemment, Eye in the Sky, qui est un film sur l'utilisation des drones et sur les problèmes que ça pose, notamment en droit des conflits armés. C'est un film très juridique, mais ils sont quand même assez rares. Alors les séries très juridiques, en tout cas en droit international, le sont aussi. Il y a des séries juridiques en droit pénal classique, mais dans ces séries, comme il y a beaucoup d'épisodes, évidemment, on a plus de chances, même presque statistiquement, de trouver des scènes intéressantes, si en tout cas les séries abordent des thématiques de relations internationales. Tout est paré. Laser OK. Point d'impact au centre de la pièce. Compris. Le réticule est juste dessus. Stand-by. Confirmer le statut des cibles. Tout est OK. Bonne chance. Vous avez l'autorisation de procéder au tir. Est-ce que c'est une enfant, Zoom? Il n'existe aucune loi prenant en compte une situation de ce genre. C'est une chose de tirer un missile quand les rues sont vides. Et c'est tout à fait différent de savoir que cette fille sera mortellement blessée dans le pire des cas. Veuillez m'excuser, mais une Madame Gillian Goldman de la Maison Blanche demande à intervenir. Qui ? Gillian Goldman. Une conseillère juridique au Conseil national de sécurité des États-Unis. Elle a été briefée par le secrétaire d'État. Vos préoccupations, Olivier Curtin, sont du domaine de la justice internationale. Est-ce que vous débordez également sur les questions de la justice, sans rajouter le terme international, sachant que le droit, la justice, les procès ont une longue alliance avec le 7e art, avec le cinéma? Tout à fait, les procès, c'est une mise en scène, c'est en soi une forme de théâtre. Donc effectivement, dans la filmographie, il y a ce qu'on appelle, il y a des genres, et parmi les genres, il y a les courtroom movies, donc vraiment les films de procès, et qui sont encore plus particulièrement utilisés plutôt dans le droit pénal, où là aussi, il y a plus d'émotions, évidemment, que si on suit, je sais pas, un procès de droit des contrats. C'est beaucoup plus rare. Oui, c'est plus sec. Plus sec. Et donc, il y a vraiment une grande tradition. Alors, on s'y intéresse en droit international plutôt sous forme de contraste, parce que en droit international, il y a aussi quelques films et séries sur la justice pénale internationale. Par exemple, l'interprète de Sidney Pollack, ou bien un certain nombre de séries, comme par exemple des séries sur la Cour pénale internationale ou des films sur le Tribunal pénal international. Ça reste malgré tout, ou The Ghostwriter par exemple de Roman Polanski, où il y a une scène, en tout cas, enfin même il y a une thématique sur un ancien ministre britannique de la justice qui serait poursuivi par la Cour pénale internationale. Donc là, le cinéma permet toutes les fantaisies, même si c'est juridiquement possible, on l'imagine mal politiquement. Alors voilà où on en est, vous n'êtes ni inculpé ni arrêté, alors il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Tout ce que le procureur demande, c'est la permission d'ouvrir une enquête officielle. Une enquête sur moi, pourquoi ? Connie. Soit crime contre l'humanité, soit crime de guerre. Mais c'est absurde, il ne s'agit pas de génocide. Je souhaite faire une brève déclaration et je ne répondrai à aucune question. On m'a accordé ce matin le pouvoir d'enquêter sur l'ex-premier ministre britannique, Monsieur Adam Peter Bennett Lang, en vertu des articles 7 et 8 du statut de Rome 1998 de la Cour pénale internationale. Je demanderai bientôt une totale coopération de Monsieur Lang et du gouvernement britannique. Je vous remercie. Donc il y a un certain écho des films de procès en droit international, mais il reste quand même assez assourdi, parce que finalement, l'impression qui prévaut, c'est que le droit international existe peu. Et ça, c'est un des enseignements en tant que tel intéressant, c'est de montrer dans les films que même là où on pouvait s'attendre à du droit international, il n'y en a pas. Parce que dans l'opinion publique, le droit international, c'est quelque chose qui finalement est assez lointain par rapport, par exemple, au droit pénal, où quand il s'agit de juger quelqu'un qui a, je sais pas, assassiné sa femme, ou bien les films de gangsters et autres, on a plus l'impression d'une proximité, et donc c'est sans doute ce qui explique que le cinéma s'en est emparé de manière beaucoup plus intense. C'est toujours la même chose, Olivier Curtin, c'est l'œuf et la poule, vous dites l'opinion publique, mais cette opinion publique elle-même est sculpté par les récits qui lui sont faits. Alors vous indiquez dans l'article que vous avez écrit dans cet ouvrage du droit international au cinéma, paru aux éditions Pédone, que une grande partie des films et des séries auxquelles vous faites référence sont anglo-saxons et même plus précisément états-uniens. Est-ce que l'opinion du public est notamment construite et fabriquée par les scénaristes, disons d'Hollywood, pour le dire de manière concise, ou bien ces scénaristes, selon vous, épousent une opinion et lui servent d'une certaine manière un menu qu'ils attendaient sans surprise? Évidemment, il y a une dialectique, donc ce serait assez réducteur de dire soit que les films ne sont que les simples reflets des opinions et qu'il n'y a absolument aucune intention, stratégie ou idéologie consciente derrière les réalisateurs. Donc là, l'histoire montre assez bien, mais notamment aux États-Unis, qu'il y a des liens même tout à fait assumés entre le pouvoir politique, Hollywood et le Pentagone. Il y a des ouvrages sur ce sujet qui montrent assez bien que... Jean-Michel Valentin, notamment. Notamment, tout à fait. Que ce soit pendant la Deuxième Guerre mondiale ou plus récemment après le 11 septembre, il y a des stratégies conscientes de représentation qui sont supposées épouser un certain nombre d'objectifs politiques. Donc il serait évidemment naïf de dire que les films sont le simple reflet des opinions et ne contribuent en rien à les façonner. Ce serait par ailleurs à mon avis, réducteur de dire que les films sont uniquement le fruit de stratégies qui vont moduler l'opinion publique et donc vont consciemment, dans tous les cas, l'instrumentaliser en, par exemple, présentant des visions du droit international qui ne correspondent pas aux visions qui sont partagées en général par les juristes ou même par les autres États. Donc il y a une dialectique. Ce qu'on peut quand même constater, et ça c'est un des enseignements du livre dans un certain nombre de domaines, moi par exemple je travaillais sur les films d'action, c'est que lorsqu'on parle du droit international, c'est quand même plutôt la vision états-unienne qui va prévaloir, c'est-à-dire une vision où l'action ne doit pas être entravée par le droit international, où le droit international ne peut pas empêcher de se poursuivre, de se battre contre l'ennemi. Alors l'ennemi du temps de la guerre froide ou les terroristes aujourd'hui, on a toujours une vision quand même assez particulière du droit international qui est une interprétation très très très large, par exemple de la légitime défense qui permet à peu près de tout faire. Ou bien alors, quand on constate que dans certains cas il n'y a pas de droit, mais le droit est présenté comme quelque chose, le droit international, comme quelque chose d'un petit peu absurde, auquel seuls les naïfs croient, et dès lors qui doit être écarté comme un cadre de référence qui n'est pas du tout pertinent. Au contraire du droit interne, et là on peut revenir au film de procès, vous avez des séries américaines comme par exemple JAG. Following in his father's footsteps as a naval aviator, there, as a JAG lawyer, he now fights in and out of the courtroom with the same daring and tenacity that made him a top gun in the air. JAG, qui est une série qui suit des militaires, une cellule en réalité de militaires qui sont chargés de juger les soldats de l'armée des États-Unis. Et ce qu'on constate justement, c'est que c'est toujours par rapport au droit américain et que le droit international n'est pas considéré comme sérieusement une entrave aux actions. Alors il y a quelques exceptions dans les, si je me rappelle bien, 8 ou 9 saisons de la série, qui est une série des années 90-2000, mais finalement, on voit bien que pour le soldat, c'est pas ça qui importe. Et c'est une série qui, à la fois, je pense, reflète la réalité, car elle est faite en coopération complète avec l'armée américaine, notamment pour des raisons même d'utilisation de matériel, etc., comme souvent, et en même temps qui reflète très clairement une idéologie assez proche des autorités des États-Unis, ça on le voit dans les épisodes. Mais on voit là vraiment que le droit international est rarement évoqué. Quand il est évoqué, il est interprété très très largement, mais le plus souvent, simplement, on considère qu'il n'est pas pertinent, qu'il ne doit pas être une entrave à l'action, et la seule entrave ou la seule réglementation, c'est vraiment du droit national. Ah, bonjour mon colonel. Bonjour Henri. On m'a dit qu'il se passait quelque chose à Alger. Ah bon? Il se passe quelque chose? Rien de spécial. Enfin, rien de spécial. Non. Tant mieux, parce que s'il y a un endroit où il faut que rien ne se passe, c'est bien Alger. S'il se passait vraiment quelque chose, je vous en informerai. Et ça irait bien plus vite qu'un bruit de couloir. Très bien. Olivier Corten, la question des relations internationales, la complexité qu'elles engendrent, est de plus en plus arrivé dans un certain nombre de séries de part et d'autre de l'Atlantique. Je vais aller du côté de House of Cards ou de Borgen. La liste est assez longue maintenant. Et ce sont des productions qui offrent un certain sérieux documenté dans les dossiers qu'ils avancent. Est-ce que dans ce domaine-là, vous diriez que la justice internationale a une meilleure place qu'auparavant, où à l'évidence elle était souvent présentée comme un frein à l'action, pour le dire de manière brève, ou est-ce qu'on est encore au même stade avec une justice internationale qui est dans le décor, tout au fond à jardin ou au fond à cour, comme on voudra, derrière les légionnaires qui font de la figuration? On en est où là-dessus? Alors, ça dépend quand même des séries. Vous avez cité en effet un certain nombre de séries comme Borgen, mais je dirais par exemple aussi Le Bureau des Légendes en France plus récemment, qui vraiment aborde les relations internationales via la DGSE. Alors, il y a des séries comme cette dernière série où il n'y a pratiquement pas de droit international et où ils n'ont pas l'air du tout de se soucier de la prise en compte du droit international. Colonel, je ne sais pas si vous connaissez Malotru, notre clandestin qui vient de finir sa mission en Syrie. Mon colonel... Malotru, vous savez pourquoi on m'appelle Mag ? Moulagouffre. Plandé comme vous, mutant de Moscou. Enchanté, mon colonel. La prochaine fois que vous me dites qu'il ne se passe rien de spécial quelque part, je vais sérieusement m'inquiéter. Ça fait maintenant 52 heures que nous n'avons plus de nouvelles de notre clandestin à Alger. On a combien de clandestins en service ? On en avait 9. Avec Malotru qui vient de rentrer, on n'en a plus que 8. Dont Cyclone ? Dont Cyclone. On a donc égaré un 1/8 de la flotte. Son téléphone borne toujours au commissariat où il a été emmené avant-hier. En revanche, Cyclone n'y est plus. Un gars de chez nous a été vérifié et on nous a prévenu tout à l'heure. Donc vous n'avez rien vu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai bien résumé ? Mais on sait évaluer les risques. Allez-y. Nous avons ici une liste de tout ce que Cyclone peut compromettre, y compris tout ce à quoi il a pu avoir accès avant son départ à Alger. Jacques ? Amenas, en Mauritanie. Philibert, au Mali. Félix, en Algérie. Triton, en Libye. Et de façon beaucoup plus lointaine, Chaloupe, au large de Dakar. Grande journée. Bon, évidemment, c'est une série d'espionnage. Donc, par définition, on va prendre des libertés avec les règles, mais elles ne sont même pas mentionnées. En tout cas, de nouveau, les règles de droit international, lorsqu'ils se rendent à l'étranger, il n'y a visiblement pas beaucoup de préoccupations sur le respect du droit international. Et en cela, ça suit, il n'y a rien de nouveau, parce que c'est quand même le plus souvent le cas depuis toujours. Ou alors, il y a des mentions du droit international, comme par exemple dans Homeland, si on prend cette série qui est toujours en cours aujourd'hui, ou House of Cards, en tout cas dans la saison 3, il y a quelques références au droit international. Bon, évidemment, c'est des séries plutôt réalistes au sens où on montre comment les intérêts vont dicter. House of Cards, c'est vraiment la série hyper réaliste ou même presque à l'excès, ou en tout cas où on verse parfois dans presque le poujadisme, parce que l'homme politique ne serait dicté uniquement et exclusivement que par ses intérêts, est quand même assez démonisé. Et donc évidemment, fort logiquement, quand on arrive à un petit épisode juridique, ça va être pour l'instrumentaliser, le droit. On va l'utiliser uniquement pour l'instrumentaliser quand ça nous arrange et tant que ça nous arrange. Et donc c'est ce qui se passe notamment dans la saison 3, lorsque de nouveau, les réalisateurs ont beaucoup d'imagination. C'est les États-Unis qui veulent envoyer des casques bleus en Israël et en Palestine, et les Russes qui ne veulent pas, alors qu'on aurait plutôt dans la réalité à penser que c'est le contraire. Et puis, comme le Conseil de sécurité est bloqué, alors la secrétaire d'État des États-Unis évoque la possibilité de passer par l'Assemblée générale et invoque des précédents. On voit là qu'il y a une documentation juridique, il y a quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est décevant pour l'observateur comme moi, en tout cas, c'est que bon, finalement, on voit bien que ce n'est qu'une sorte de dérivatif et que après, on l'utilise plus parce qu'on est passé à autre chose, parce que finalement, le but n'était pas du tout d'envoyer des casques bleus, mais de plutôt faire un contre-feu pour détourner d'un problème de politique intérieure. Et donc là non plus, je crois pas qu'il y ait énormément de nouveautés. Donc si je compare à la Maison Blanche, par exemple, plus ancienne série, avec la série actuelle Homeland, où je vois pas peu d'évolution. Même peut-être dans West Wing, il y a plus de droits, parce que c'est plus une série, j'ai envie de dire bavarde, une série de discours plus que d'action. Et donc, fort logiquement, comme ils parlent pendant tout le... Alors, à un moment donné, ils vont évoquer des problèmes juridiques, alors que dans 24 heures chrono, par exemple, où là aussi, il y a parfois des scènes juridiques, mais néanmoins, c'est une série d'action avant tout. Donc, le genre lui-même, quand on parle de séries comme celle-là, va quand même en grande partie prédéterminer une place du droit qui va être limitée. Ça, c'est logique. Ce qui est plus significatif, c'est comment, quand on l'aborde, le droit est évoqué. Est-ce que c'est comme vraiment une limite à l'action ou bien pas? Et ça, je pense pas qu'il y ait une évolution particulière. Même si on prend à la Maison Blanche, West Wing, il y a plus de scènes où le droit a l'air d'être quand même contraignant et où le président essaye quand même de suivre les avis de ses jurisconsultes que dans les séries plus récentes. Bonjour à tous. Israël a décrété une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la vallée du Jourdain à 6 heures dans la matinée, heure israélienne. Et si je suis en désaccord avec cette mesure, je comprends ses motivations et nous resterons fidèles à notre allié. Je dis à Israël, bouclez votre espace aérien, décrétez votre zone d'exclusion. Je survolerai la région, quoi qu'il en soit. C'était à la télé russe, il y a 45 minutes. Il brasse peut-être de l'air. Petrov veut que le monde voie ça. Il ne passerait pas à l'antenne s'il bloque. Israël dit qu'ils sont prêts à faire respecter la zone. Ils n'abattront jamais un chef d'État. Si on présente sa manœuvre comme une simple tentative d'esbrouf, je pourrais peut-être convaincre Israël de baisser d'un ton. Ouvrez une ligne de communication avec Moscou. Dites-leur que je me rends dans la vallée du Jourdain en personne. Monsieur, je vais rencontrer Petrov en tête-à-tête sur le terrain. Monsieur le Président, le facteur... J'en suis conscient. Je veux être prévenu à la minute où Petrov prend les airs. Travaillez avec la CIA et la Défense pour convenir des mesures de sécurité qui s'imposent. Cathy, je veux vous voir avec la Défense. Discutons monnaie d'échange. Un grand merci à tous. Maintenant, Cathy. S'il veut les mêmes termes que nous avions convenus, j'aplanirai les angles avec nos alliés de l'OTAN. C'est dur de perdre la Pologne, mais je pense qu'on peut compenser avec des sous-marins antimissiles en patrouille en mer Baltique. Alors essayons de dénicher ces fameuses exceptions qui certes confirment la règle, mais tout de même sont là pour attester que tout espoir n'est pas perdu. Il a été tourné, il y a un certain nombre d'années de cela, une série télé dont le personnage central était Louise Arbour. Et vous rappellerez au passage dans votre réponse qui est ce personnage et quelle fonction elle occupait précisément. Toujours est-il qu'il est question de justice internationale. Est-ce qu'à partir du moment où on concentre le scénario autour d'une procureure, on a des chances à l'arrivée d'avoir une présentation, à défaut d'une démonstration du bien fondé du droit international, ou bien, là encore, malheureusement, il faut s'attendre à des raccourcis. Olivier Corten. Alors, des raccourcis, malheureusement ou non, parce que finalement, le cinéma ou les séries télévisées, c'est un exercice de fiction assez libre, donc pourquoi pas prendre quelques libertés avec la technique juridique. Mais ce qui compte, comme vous le signalez, c'est plutôt comment le droit est présenté en général. Est-ce que, finalement, on considère que c'est quelque chose qui doit être pertinent? Alors, vous avez tout à fait raison. Selon le genre de film, comme je l'indiquais brièvement, on va avoir quand même une perspective différente dans les films d'action ou dans les films de procès ou sur la justice internationale. Mais donc, de manière générale, que ce soit dans, en effet, le film, en tout cas, la série, moi je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, j'avais vu un film consacré à Louise Arbour, donc ancienne procureure du tribunal pénal international. C'est pas une série, mais un téléfilm en deux parties, oui, me semble-t-il. Oui, un téléfilm, oui, c'est un téléfilm, tout à fait. Ou alors dans La Révélation, par exemple, un film sur le tribunal pénal international, ou comme je le disais dans L'Interprète, on a une vision plus idéaliste, en effet, c'est-à-dire des films un peu plus militants, des films qui visent quand même à présenter la justice internationale sous un jour plutôt favorable, montrer déjà qu'elle existe et certes se pencher sur les difficultés qui peuvent entraver son fonctionnement, mais justement ça entrave son fonctionnement, donc c'est supposé être quelque chose qui est néfaste en quelque sorte. Mais il y a une différence de tonalité, il y a assez peu de films critiques de la justice pénale internationale si on compare avec la littérature. Dans la littérature juridique, je dirais classique, vous avez aussi, ben quand même une majorité de juristes qui se félicitent des progrès ou des évolutions de la justice pénale internationale, mais il y a quand même une part plus critique, non pas qui sont contre la justice pénale internationale, mais qui montrent ses problèmes, ses dilemmes, ses limites, notamment en termes de deux poids, deux mesures. Bon, il y a tout le débat sur l'Afrique et la Cour pénale internationale, par exemple. Ça, dans le cinéma, on ne voit pas tellement, donc il y a quand même une dominante plutôt... idéalisante de la justice pénale internationale. Olivier Corten, merci à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Du droit international au cinéma, c'est paru aux éditions Pédone, mais c'est paru déjà il y a combien, 2-3 ans ? En 2015. En 2015, il est déjà totalement épuisé, comme nous tous Non, je pense qu'il n'est pas encore épuisé. Donc bon, Pédone, c'est P-E-D-O-N-E, tout ça évidemment à retrouver sur le site d'Histoire Vivante. Merci à vous. Merci. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS, le journal La Liberté, et la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jean-Philippe Svalon. Avec aujourd'hui des extraits des films House of Cards, Eye in the Sky, The Ghostwriter, Jag et Bureau des Légendes. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.